est si calme. La brume est douce et l'air qui l'envole parfois me pousse. Le sol m'emporte. La pierre est rouge, elle brûle les pieds des anges qui dansent quand le ciel bouge. Arbres nus guettait mon père. Mais où je suis? Toi, où es-tu? Le prince s'envole, les arbres baissent quand chante mon père. Le prince est mort sous l'arbre nu et je l'enterre près de mon père. Les anges sont des diables.